Étude 3 du 13 au 19 octobre, afin que tous soient un. Le verset à mémoriser se trouve dans Jean 17, les versets 20 à 21. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, mettront leur foi en moi, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'eux aussi soient en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. L'évangile de Jean nous ouvre une fenêtre sur quelles étaient les préoccupations immédiates de Jésus alors que la trahison et la mort se profilaient à l'horizon. Dans 5 chapitres cruciaux, Jean 13 à 17, nous recevons les premières paroles d'instruction de Jésus qui se termine par ce qu'on a parfois appelé sa prière sacerdotale. C'est un titre approprié, car notre Seigneur, dans cette prière, se consacre au sacrifice dans lequel il est à la fois prêtre et victime. En même temps, c'est une prière de consécration au nom de ceux pour lesquels le sacrifice est offert, les disciples qui étaient présents dans la chambre haute, ainsi que ceux qui viendraient à la foi par la suite grâce à leur témoignage. Au cœur de cette prière, on a la préoccupation de Jésus pour l'unité parmi ses disciples et ceux qui croiraient en lui après eux. C'est un thème clé de sa prière. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Aucune discussion sérieuse sur l'unité de l'Église, sur notre unité en Christ, ne saurait être complète sans une attention solennelle accordée à cette prière. Pourquoi Jésus a-t-il prié? Pour qui a-t-il prié? Et que signifie sa prière pour nous aujourd'hui ?